Nombre chapitre 19. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron, en disant, c'est ici une ordonnance qui concerne la loi que l'Éternel a commandée, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dis, qu'ils t'amènent une jeune vache rousse, entière, en laquelle il n'y ait point de tare, et qui n'ait point porté le joug. Puis vous la donnerez à Éléazar, sacrificateur, qui l'amènera hors du camp, et on l'égorgera en sa présence. Ensuite Éléazar, sacrificateur, prendra de son sang avec son doigt, et fera cette fois aspersion du sang vers le devant du tabernacle d'assignation. Et on brûlera la jeune vache en sa présence, on brûlera sa peau, sa chair, et son sang, et sa fiente. Et le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et les jettera dans le feu où sera brûlée la jeune vache. Puis le sacrificateur lavera ses vêtements et sa chair avec de l'eau, et après cela il rentrera au camp, et le sacrificateur sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui l'aura brûlé, lavera ses vêtements avec de l'eau, il lavera aussi dans l'eau sa chair, et il sera souillé jusqu'au soir. Et un homme net ramassera les cendres de la jeune vache, et les mettra hors du camp, en un lieu net, et elles seront gardées pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de d'aspersion, c'est une purification pour le péché. Et celui qui aura ramassé les cendres de la jeune vache, lavera ses vêtements, et sera souillé jusqu'au soir, et ceci sera une ordonnance perpétuelle aux enfants d'Israël, et à l'étranger qui fait son séjour parmi eux. Celui qui touchera un corps mort de quelque personne que ce soit, sera souillé pendant 7 jours. Et il se purifiera avec cette eau-là le 3e jour, et le 7e jour il sera net, mais s'il ne se purifie pas le 3e jour, il ne sera point net au 7e jour. Quiconque aura touché le corps mort de quelque personne morte, et qui ne se sera point purifié, il a souillé le pavillon de l'Éternel, c'est pourquoi une telle personne sera retranchée d'Israël, car il sera souillé, parce que l'eau de d'aspersion n'aura pas été répandue sur lui. Sa souillure demeure donc encore sur lui. C'est ici la loi, quand un homme sera mort en quelque tente, quiconque entrera dans la tente, et tout ce qui sera dans la tente, sera souillé durant 7 jours. Aussi tout vaisseau découvert, sur lequel il n'y a point de couvercle attaché, sera souillé. Et quiconque touchera dans les champs, un homme qui aura été tué par l'épée, ou quelque autre mort, ou quelque os d'homme, ou un sépulcre, sera souillé durant 7 jours. Et on prendra, pour celui qui sera souillé, de la poudre de la jeune vache brûlée pour faire la purification, et on la mettra dans un vaisseau, avec de l'eau vive par-dessus. Puis un homme net prendra de l'hysope, et, l'ayant trempé dans l'eau, il en fera aspersion sur la tente, et sur tous les vaisseaux, et sur toutes les personnes qui auront été là, et sur celui qui aura touché l'os, ou l'homme tué, ou le mort, ou le sépulcre. Un homme donc qui sera net, en fera aspersion le 3e jour, et le 7e sur celui qui sera souillé, et le purifiera le 7e jour, puis il lavera ses vêtements, et se lavera avec de l'eau, et il sera net au soir. Mais l'homme qui sera souillé, et qui ne se purifiera point, cet homme sera retranché du milieu de l'assemblée, parce qu'il aura souillé le sanctuaire de l'Éternel, et l'eau de d'aspersion n'ayant pas été répandue sur lui, il est souillé. Et ceci leur sera une ordonnance perpétuelle, et celui qui aura fait aspersion de l'eau, lavera ses vêtements, et quiconque aura touché l'eau de d'aspersion, sera souillé jusqu'au soir. Et tout ce que l'homme souillé touchera, sera souillé, et la personne qui le touchera, sera souillée jusqu'au soir.